Dans les deux situations, la voiture rouge s'approche d'un véhicule utilitaire qui a visiblement l'intention de quitter son stationnement. Dans la situation numéro 2, le clignotant gauche et les feux stop de l'utilitaire sont allumés. Son conducteur a sans doute vu la voiture rouge s'approcher, du moins son départ n'est pas imminent. Dans la situation numéro 1, seul le clignotant est allumé. Il est possible que le conducteur n'ait pas perçu la voiture rouge et qu'il démarre subitement. La situation la plus dangereuse est la numéro 1. Mettre le pied sur le frein et se préparer à klaxonner sont deux actions de sécurité dans ce cas. Réponse